Troisième temps de notre semaine sur l'Allemagne au XXe siècle, alors que ce pays s'apprête à célébrer en fin de semaine le 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Les Matins de France Culture seront d'ailleurs vendredi en direct de Berlin et en partenariat avec Courrier International qui consacre un numéro qui sera demain en kiosque au mur dans le monde entier, les murs qui séparent les humains. Nous allons ce matin vous parler de la RDA, du mur bien sûr et de la société berlinoise. Après avoir parlé du nazisme avec Johann Chapoutot lundi, des déplacés allemands de l'Europe de l'Est dans le documentaire de Jeanne Guérou et Anne Fleury, documentaire que vous avez été nombreux à apprécier et que vous pouvez d'ailleurs réécouter sur le site de France Culture, nous allons ce matin vous parler de la RDA et de la société civile en RDA. Oui, une société civile existait-elle dans ce régime? Comment s'exprimait-elle dans la jeunesse, dans les églises? Comment réagissaient les intellectuels pendant ces 50 ans de pouvoir communiste? C'est ce que nous verrons avec Jeanne Guérou qui a préparé cette semaine avec nous, avec Emmanuel Droit. Il est directeur adjoint du centre Marc Bloch, il est maître de conférence à l'université de Rennes 2. Il est auteur, entre autres, Vers un homme nouveau, c'était aux presses universitaires de Rennes, ou encore de la Stasi à l'école, c'était chez Nouveau Monde. Et avec Chantal Metzger, qui sera en duplex avec nous depuis Nancy. Elle est professeure d'histoire contemporaine à l'université de Lorraine sur le site de Nancy. Elle a dirigé chez Peter Lang un collectif, la RDA, la vitrine du socialisme et l'envers du miroir. Et également, elle est l'auteur, toujours chez Peter Lang, de la RDA, histoire d'un État rayé de la carte du monde. Bonjour Jeanne Guérou. Bonjour. Merci d'être avec nous et avec nos deux invités, donc qui sont Emmanuel Droit. Bonjour Emmanuel Droit. Bonjour Emmanuel Laurentin. Vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de la radio Deutschland Radio, donc à Berlin, puisque cet après-midi vous avez un moment important. Vous avez organisé à 13h30 au centre Marc Bloch, dont vous êtes le directeur adjoint, bien justement quelque chose sur 1989 avec un titre, un miracle géopolitique, avec un point d'interrogation. Il y aura Henri de Bresson, l'ancien correspondant du Monde, Hubert Védrine, Lothar de Mézières, Joëlle Timsit, qui était l'ancienne ambassadrice de France en RDA, également l'historien Jürgen Kocka. Donc une très belle affiche pour cette rencontre, et c'est pour ça que vous n'êtes pas avec nous dans les studios à Paris, mais vous êtes à Berlin, c'est à 13h30 cet après-midi. Et puis nous sommes également avec vous, Chantal Metzger, depuis les studios de Nancy. Vous enseignez à Nancy, merci d'être avec nous, et vous êtes spécialiste de cette société est-allemande. Alors d'abord peut-être avec vous, Chantal Metzger, que se passe-t-il entre 1949 et 1953, une date importante puisque c'est une date de révolte ouvrière dans l'Allemagne de l'Est de l'époque, et comment s'installe une société socialiste à partir de 1949, puisque c'est à partir de 1949 que se durcit ce régime sous l'égide des soviétiques? Bonjour Emmanuel Laurentin. Je vous remercie de m'avoir invité. Alors, je vais tout de suite essayer de répondre à votre question en précisant qu'il y a d'abord une préhistoire de la RDA, oui. À mon avis. C'est la période qui va de 1945 à 1949, bien sûr, dans laquelle déjà tout se met en place. Alors, pour la société, il faut noter qu'il y a plusieurs points importants. Tout d'abord, les églises qui vont jouer un rôle fondamental, car ce sont les seules institutions qui ont survécu à la période du Troisième Reich. Elles vont servir d'intermédiaire entre l'État, qui n'existe pas encore, mais qui sera formé par la suite. Pour le moment, entre 1945 et 1949, entre la SMAD, c'est-à-dire l'Organisation soviétique d'occupation. Donc la population qui est dans un état de dénuement terrible. Alors, pour revenir à la population a augmenté par rapport à l'avant-guerre, car il y a eu une arrivée en masse de Umsiedler, c'est-à-dire de migrants. Le terme est différent du terme utilisé dans la partie ouest, où on parle de Vertriebene, c'est-à-dire d'expulser les migrants, parce qu'on va essayer de les assimiler complètement dans le système. Alors, pour cette population, il faut noter que le pays, la zone soviétique est une zone pauvre et par rapport aux trois autres zones occidentales. Il y a dans tous les cas un dénuement terrible, les gens meurent de faim, les rations sont très faibles et c'est le premier point qu'il faut noter. Pendant la période de la préhistoire, donc celle qui précède la création 45-49, de la RDA, oui, c'est ça qui préfère la création de la RDA le 7 octobre 1949, Nous avons déjà des confiscations de terres qui étaient conformes aux accords entre alliés. Les terres de plus de 100 hectares sont confisquées. Elles sont confiées à des paysans, mais ces terres seront de toute petite superficie. Certaines atteindront à peine 8,1 hectares et sont insuffisantes pour faire vivre la population. Pour les entreprises, c'est beaucoup plus complexe. Je ne vais pas m'étendre puisque j'ai très peu de temps. Mais là aussi, il y a différentes formules qui sont adoptées, soit la confiscation pure et simple. Et dans ce cas-là, les entreprises vont souvent être démontées et emmenées en Union soviétique, soit la création de sociétés qui sont des sociétés soviétiques, SAG, qui vont permettre donc aux soviétiques d'exploiter les grosses entreprises de la zone. Donc pour, ça, c'est au point de vue économique. Et, et pour ce qui est des mouvements sociaux, des mouvements de la société, de la réaction à cette emprise qui va devenir de plus en plus forte du Parti communiste donc, et de ces forces communistes, en particulier sous l'égide des soviétiques, comment cela réagit-il? Est-ce qu'il y a des tensions, des moments d'émergence d'une contestation, ou est-ce qu'au contraire, progressivement, eh bien, tout cela se tait jusqu'en 1949 et ensuite? Eh bien, la population a faim. La population a faim, sa première préoccupation, c'est de se nourrir et de se chauffer. Donc, elle ne réagit pas. Et en plus, elle commence déjà à être encadrée à tous les niveaux dans la période qui précède la création de la RDA. Et après la création de la RDA, elle est encadrée au niveau de l'enseignement. Mais là, je pense qu'Emmanuel Roy pourra en parler. Elle est encadrée à tous les niveaux, au niveau de la culture également. Il y a un service de propagande, un Kulturbund, qui est dirigé par Johann Becher. Et ce sera un service de culture donc, qui va développer tout de suite. Il y aura une nouvelle presse qui va être créée. Il y aura également très vite de la musique dès 1945. Donc ça va se poursuivre jusqu'à la fin du régime. Cette musique et cet art sera spécifiquement allemand. C'est ainsi que sur les ondes de Deutschlandrundfunk, qui est le premier organe de presse parlée de la future RDA et de la RDA. Et bien sûr, ces organes ont fait passer du Glenn Miller en parodiant Glenn Miller en version allemande. Absolument. Alors, puisque vous êtes avec nous aussi depuis Berlin, Emmanuel Droit, que vous êtes spécialiste en particulier du secteur de l'éducation et de l'attention portée à la jeunesse, il y a tout de suite, dès l'origine, dès la naissance de la RDA, une attention assez forte portée à la formation des jeunes, à cette matière que sont les jeunes qui peut devenir justement le socialisme du lendemain. Comment cela se passe-t-il? Comment encadre-t-on ces jeunes? Et est-ce qu'il y a déjà des réticences à cet encadrement, en particulier dans la concurrence, peut-être avec un autre encadrement des jeunes, qui est celui des églises, Emmanuel Droit? Oui, il y a un bon slogan du SED qui résume un petit peu l'état d'esprit en 1949, « Qui possède la jeunesse possède l'avenir ». Et dans le cadre de cette création de la RDA, dans un contexte de guerre froide, il ne faut jamais oublier que finalement, la RDA, c'est un enfant non désiré de Staline, c'est un produit de la guerre froide. Mais en même temps, pour les communistes allemands, c'est une opportunité historique de mettre en œuvre ce projet de transformation radicale de la société. Et ça passe évidemment par la jeunesse, avec tout d'abord une énorme méfiance par rapport à cette jeunesse, puisqu'elle ressort d'une période de 12 années d'endoctrinement idéologique sous le nazisme. Et aussi bien chez les soviétiques que chez les communistes est-allemands, il y a une grande méfiance par rapport à cette jeunesse, et en même temps un grand optimisme pédagogique, parce que on se dit qu'on va être capable de transformer cette jeunesse et d'en faire des cohortes de socialistes. Et le programme de mobilisation politique et idéologique se met véritablement en place au début des années 1950, puisque en gros, la phase de la préhistoire de l'RD entre 45 et 49 est marquée par une sorte de consensus autour d'un certain nombre de grandes réformes. Chantal Metzger a évoqué la question des expropriations. Mmh. Dans le champ de l'éducation, on a la mise en place de ce qu'on appelle l'école unique, ce qui correspond à l'expérience en France des classes nouvelles et de ces réformes mises en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, en RDA, c'est pareil. On introduit, dès avant la création du régime communiste en 1946, une école unique, c'est-à-dire qu'on supprime la vieille triade remontant à l'époque prussienne de l'école primaire, l'école moyenne et du lycée. Et on met en place une scolarité unique pour les enfants de 6 à 14 ans d'abord, puis ça sera allongé à 16 ans à partir des années 50. Une question de Jeanne Guéroux. Oui, Emmanuel Droit, ce projet éducatif socialiste va se heurter rapidement à la concurrence d'une autre forme d'auto-organisation des jeunes que vous appelez les peer groups, ces groupes informels qui se constituent dans les rues. Est-ce qu'on peut parler d'une forme d'opposition précoce de la part des jeunes envers le système ? Alors, il faut distinguer deux formes de comportement. On a d'abord une forme de résistance ou d'opposition à la RDA, il ne faut pas le nier, ça a existé, une forme de résistance anticommuniste qui a concerné notamment une partie de la jeunesse, notamment parce que le régime s'en est pris très rapidement aux églises, qui constituaient les derniers pôles de résistance une fois les partis politiques adverses écartés ou en tout cas intégrés dans ce qu'on appelait le bloc national, et donc le Front National. Et dans ce cadre-là, il y a une forme de résistance idéologique. Ce qu'on appelle les peer groups, ce sont ces formes de socialisation secondaire dans les rues. Ceux-là sont surtout portés ou incarnés par des enfants de la classe ouvrière. Et évidemment, ça gêne le régime parce que le régime voudrait encadrer ces jeunes dans les organisations de jeunesse. D'abord, l'organisation des pionniers qui encadre les enfants de 6 à 14 ans, puis les adolescents dans le cadre de la jeunesse libre allemande, la FDJ, entre 15 et 25 ans. Et donc, il y a un effort de contrôler l'espace public, de contrôler la jeunesse et de les encadrer par toute une série d'activités extrascolaires. Et scolaires, puisque les organisations de jeunesse, c'est une particularité du système éducatif est-allemand. Les organisations de jeunesse prennent pied dans les écoles progressivement avec beaucoup de difficultés. Encore qu'il faudrait nuancer selon les espaces, mais dans une ville comme Berlin, l'implantation est compliquée du fait du caractère ouvert de la ville aussi et des influences occidentales qui circulent entre les deux parties. Mmh. Et donc, le projet socialiste, il s'appuie sur une société qui n'est pas une argile molle, c'est-à-dire que les communistes rêvent de cet homme socialiste nouveau, mais ils doivent faire avec une société qui ne réagit pas forcément comme eux voudraient qu'ils réagissent. D'où la multiplication des rapports un peu désabusés, en tout cas critiques des fonctionnaires qui, à la base, essayent de mesurer le processus de transformation. Et ils se rendent bien compte qu'il y a un énorme fossé entre les intentions dans les discours et puis la réalité sur le terrain. Surtout quand on se veut le représentant de la classe ouvrière et que cette classe ouvrière descend dans la rue. Nous sommes donc en juin 1953 et ça se passe assez mal, justement, puisque certains de ces ouvriers, on a parlé des difficultés en particulier de vie quotidienne, c'est ce que nous disait Chantal Metzger, et bien considèrent qu'ils ne sont pas assez payés, qu'il y a trop de contraintes par ailleurs sur leur travail et sur leur vie quotidienne, et donc ils vont manifester. Mais en Europe, un événement d'une portée extraordinaire a troublé le silence des peuples. Dans la zone soviétique de Berlin, plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers exaspérés par les décisions du gouvernement communiste d'augmenter sans contrepartie les normes de travail se sont soudain soulevées. La police populaire a dû protéger les meneurs communistes que malmenait la foule. Des immeubles de l'administration soviétique ont été incendiés. Le drapeau rouge qui flottait sur la porte de Brandebourg était arraché et remplacé par les couleurs allemandes. Ce geste déclenchait alors l'intervention des forces russes. Et les chars, à la suite des voitures de police, ouvraient le feu. Les informations soviétiques parlent de 18 morts et de 200 blessés. Ces manifestations de Berlin-Est ont eu des échos dans toute la zone soviétique où d'autres manifestations du même genre se sont déroulées. Une Allemagne orientale imprévue se découvre. L'Allemagne orientale imprévue des actualités françaises en juin 1953. Jeanne Guéroux. Oui, Chantal Metzger, peut-être pouvez-vous d'abord évoquer pour nous ce qu'a été cette insurrection ouvrière en juin 1953. Les ouvriers, donc héroïsés pourtant par le régime, se révoltent. Comment expliquer un tel décalage en fait, entre le discours officiel et les aspirations de cette partie de la population ? Eh bien, il y a plusieurs motifs de mécontentement de la population. Le pays connaît, je vous l'ai dit, un problème de pénurie. Il connaît encore le rationnement en 1953, surtout pour certains produits de base, comme les graisses, la viande et le sucre. De nombreux produits manquent aussi dans les magasins, ou alors sont vraiment trop chers, ou de qualité médiocre. La population ne peut d'ailleurs pas y avoir accès le plus souvent. Donc, malgré tous les efforts, le niveau économique du pays est nettement inférieur à celui de l'ARF. Mmh. Par ailleurs, le gouvernement a fait plusieurs actes très maladroits. La direction du SED décide, au cours du premier semestre 1953, d'accentuer la pression. Elle veut effectivement augmenter les rendements et même les doubler dans le secteur de l'industrie lourde et de la construction des machines-outils. Alors ça, évidemment, ça ne plaît pas. Mmh. Les entreprises qui étaient restées en secteur public sont nationalisées au début du printemps. C'est encore un facteur de mécontentement de plus. Enfin, les Allemands de l'Est qui travaillaient à l'Ouest, et notamment dans la région de Francfort, sur Oder et de Potsdam, sont privés de cartes de rationnement par une ordonnance du 9 avril 1953. Autre facteur de mécontentement, les nombreuses attaques contre les églises qui provoquent l'hostilité d'une population qui est en général pratiquante, protestante à 80%. Alors, il faut peut-être s'arrêter sur ce point avec vous, Chantal Metzger. Ce jeu de chat et de souris, tout de même, qui est la particularité aussi de ce régime est-allemand du SED, en particulier, vis-à-vis de ces églises, c'est-à-dire qu'on lâche du lest de temps en temps, on passe des sortes d'accords en disant ne vous occupez plus de la société pour les églises, ne vous occupez plus de la société civile, de la politique, etc. Et nous vous laisserons mener tranquillement votre travail d'évangélisation, votre travail auprès des populations de votre côté. Et puis d'autres fois, on enferme les prêtres, on enferme les pasteurs, etc. Donc il y a un jeu très particulier tout de même vis-à-vis de cette société civile et en particulier de cette société religieuse. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, le régime s'attaque à des instances religieuses, surtout quand elles touchent à la jeunesse. Et c'est notamment le cas des Jugendgemeinde, qui sont attaqués, ce sont des associations qui coordonnaient les activités de la jeunesse chrétienne et qui encadraient leurs loisirs. Ça entre en concurrence avec la FDJ, la jeunesse libre, dont vient de parler Emmanuel Droit. Et les autorités accusent ces associations d'être des agents de l'Ouest et de mener des campagnes contre la RDA, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment. Mmh. Il y a de nombreuses mesures coercitives, vous venez d'en parler, qui se multiplient. Et il y avait une lettre pastorale qui avait par exemple été faite le 21 avril 1953 par les évêques de l'Église évangélique. Et ces évêques avaient décidé de lutter contre ces mesures qui touchaient à ces Jugendgemeinde. Et le régime décide en représailles d'arrêter une cinquantaine d'ecclésiastiques, laïcs et diacres. C'est la Stasi qui procède à ces arrestations entre janvier et 53. Alors, ceci déplaît à la population, c'est évident. Bien sûr, et cette Stasi, en l'occurrence, vous avez travaillé sur ce sujet, entre autres, Emmanuel Droit. Cette Stasi, elle est présente, voire omniprésente. Il y aurait alors qu'elle a été créée en 1950, dès 1953, 10 000 fonctionnaires de la Stasi, c'est ce qu'on dit en général. Est-ce que c'est exactement cela? Enfin, en tout cas, une surveillance accrue de toute la population par l'intermédiaire de cette Stasi, Emmanuel Droit. Oui, alors il y a environ 10 000 fonctionnaires qui travaillent pour le ministère pour la sécurité publique, mais il faut bien contextualiser parce qu'il ne faudrait pas donner l'image d'une Stasi monolithique et déjà omniprésente et omnipotente dès le début des années 50, puisque justement le 17 juin 53, elle ne l'a pas prévu, elle ne l'a pas senti venir, elle est encore en construction, elle a été créée donc au début des années 50 sur la base d'un commissariat créé par les soviétiques au lendemain de la Seconde Seconde Guerre mondiale. Elle a d'énormes problèmes de recrutement, c'est-à-dire que les Soviétiques, on se méfie déjà beaucoup des Allemands, même quand ils sont communistes. Et il y a beaucoup de turnover auprès, dans le cadre de cette institution. Et cette Stasi, elle est le bras armé du parti communiste au pouvoir, le SED, le glaive et le bouclier. Telle est la façon dont elle se présente. Et elle est aux abonnés absents lors du 17 juin 1953, qui marque en fait l'échec patent du projet socialiste. Vous l'avez rappelé, le SED se présentait comme l'avant-garde de la classe ouvrière. Elle a même fait beaucoup pour les ouvriers entre 1949 et 1953 en favorisant leur ascension sociale, soit par les facultés, ce qu'on appelait les ABF, les facultés pour les ouvriers et les paysans, dont vous avez un témoignage littéraire d'Hermann Kant, là, l'amphithéâtre, qui raconte cela. Les ouvriers sont... par l'intermédiaire du parti, connaissent aussi une forme d'ascension sociale et deviennent des fonctionnaires de l'État. Et malgré tout, ils se révoltent. Et malgré tout, ils se révoltent. Et donc, il faut faire venir les chars soviétiques. Ce sont eux qui vont intervenir. Et il va y avoir une répression qui va toucher, on ne sait pas si c'est entre 8000, enfin, plusieurs milliers d'arrestations en tous les cas. Quelques dizaines d'exécutions de gens qui sont exécutés. Enfin, toujours est-il que le pouvoir se retrouve devant une contrainte et qu'il explique cette contrainte par un putsch fasciste, évidemment, organisé par l'autre côté de l'Allemagne. Cette répression change-t-elle quelque chose à cette société civile dans les années entre 1953 et le mur de Berlin, c'est-à-dire 1961, Emmanuel Droit ? Oui, c'est une déchirure événementielle qui marque tout le monde. Elle marque tout d'abord les élites qui prennent conscience que ils n'ont déjà pas de légitimité démocratique, mais ils ne peuvent même plus se revendiquer d'une légitimité de gouverner au nom du peuple. Et le 17 juin 1953 fonctionne comme un lieu de mémoire très puissant chez ces élites, puisqu'il y a une forme de continuité des élites au pouvoir. Quelqu'un comme Erich Milke, qui était vice-ministre de la Stasi, qui deviendra le responsable numéro 1 de la Stasi à partir de 1957, en fin août 1989, lorsque les manifestations... lorsque le mouvement d'exode prend de l'ampleur et que les manifestations commencent à se développer un peu partout en Allemagne, il a cette fameuse phrase auprès de ses officiers lorsqu'il est réuni et se demande si un nouveau 17 juin n'allait pas éclater demain. Mmh. Du côté de la société, on a très bien compris maintenant les limites, c'est-à-dire qu'il y a certaines limites à ne pas dépasser, sinon les chars soviétiques vont écraser tout mouvement de révolte. Et donc ça oblige la société à plutôt chercher le compromis, des arrangements avec cette société communiste, ou alors carrément l'exil, puisqu'on peut encore, à partir de Berlin, quitter l'Allemagne de l'Est pour l'Allemagne de l'Ouest. Berlin est une porte ouverte vers l'Ouest. Chantal Metzger ? Oui, alors effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel Droit. En 1953, notamment, je vais prendre l'exemple des intellectuels. Si en 1953, les milieux intellectuels n'avaient pas réagi, à l'exception de Brecht, tout le monde connaît sa petite phrase... Si on n'est pas content du peuple, il faut changer. Voilà, pas plus simple pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d'en élire un autre. C'est tiré de son poème dit le Zoom. Eh bien... à partir de 1953, c'est tout à fait différent, notamment à partir du discours de 1956, qui est une autre étape moins importante, bien sûr, que 1953, mais c'est le fameux discours de Khrouchtchev en février 1956. Sur la déstabilisation. Qui ouvre une nouvelle voie aussi. Les milieux universitaires, enseignants, étudiants, veulent des réformes. Ils veulent la création d'un syndicat étudiant autonome, la dissolution des groupes de FDJ qui noyautaient les grandes écoles. Ils ont des revendications importantes, notamment ils veulent la suppression des cours obligatoires d'idéologie et également la suppression des cours de russe. Ce sont des revendications véritablement à caractère symbolique. Non, bien sûr que non. Voilà. bien au contraire, il y aura une section sciences et propagande qui va être créée par le comité central et qui va surveiller de plus près encore les universités, les grandes écoles qui sont devenues des foyers d'agitation. Au niveau des intellectuels aussi, il y a des intellectuels qui sont arrêtés. C'est le cas d'un publiciste et philosophe Wolfgang Harisch, qui a été un disciple du philosophe hongrois Lucas. Il est condamné déjà à de longues années de prison. Des professeurs, et notamment le physicien Havemann, qui est le plus connu, sont mis en garde. Et on explique aussi que ce qui se passe en Pologne, notamment, ne peut pas être appliqué en RDA. Donc une sorte de libéralisation, entre guillemets, du régime polonais, en l'occurrence, à ce moment-là. Mais ça ne va pas durer. Ça a une application sur les révoltes. Enfin, révolte, c'est peut-être un grand mot, mais les revendications dans les grandes écoles et les universités. Alors, pour conclure sur ce petit point, je dirais que Ulbricht a survécu aux émeutes de juin 56, à la crise de 1956, aux émeutes de juin 53, pardon, et à la crise de 1956, il en sort même consolidé, mais pour le milieu ouvrier, la grève et les manifestations de 1953 ont marqué les mémoires. Absolument, c'est ce que disait... Il n'y aura plus jamais d'arrêt de travail de la même nature. Absolument. Hein. Il y aura des grèves, mais ce ne sera plus pareil. Et puis arrive un autre événement, évidemment, dans un contexte international extrêmement tendu, c'est évidemment le mur de Berlin, l'instauration du mur de Berlin, un extrait de 5 colonnes à la une sur Berlin coupé en deux. Imaginez que d'un coup de sabre on ouvre un homme en deux, c'est ça Berlin. Chaque moitié soudain s'aperçoit qu'elle a besoin de l'autre, comme si un autre mur invisible, celui-là, avait traversé en une nuit les amours, les amitiés, les familles. Regardez par exemple cette scène entre une mère et une fille. La fille est à l'ouest, la mère à l'est. Elles pourraient encore se parler, mais elles ne sont pas seules. À quelques mètres de là, il y a une voiture avec des policiers de l'est. Alors la mère a peur de se compromettre et elle s'en va. Le 13 août, cet homme, lui, attendait sa mère qui habite de l'autre côté. Écoutez son histoire. Votre mère habite l'Est, monsieur? Oui, ma mère habite un faubourg de Berlin, au sud-est de la ville. Elle devait me rejoindre le 23 août. Pourquoi le 23? Parce que c'était une date fixée par le déménageur de l'Est, qui seul est autorisé à faire le déménagement, dans le sens Est-Ouest. Oui, et forcément le 23? C'était la seule date libre pour lui. Oui. Et malheureusement, ce sont les événements du 13 août. Qui se sont interposés. Ma mère m'a écrit deux lettres entre-temps. Elle écrit au 23 août, alors le jour même où elle devait venir. Hier, j'ai vu le déménageur, mais il n'a pas l'autorisation de quitter le secteur oriental. Je suis tellement désespéré. Je suis assise entre les sacs. Les armoires sont démontées. Et puis elle écrit quelques phrases très désespérées. Elle exprime par exemple le désir de ne plus se réveiller comme ça, et c'est très compréhensible parce que elle continue, les meubles sont vendus, le logement est loué. À d'autres. À d'autres, oui, à d'autres personnes. Elle ne sait pas quoi faire. France Culture, la fabrique de l'histoire. Emmanuel Laurentin. 9h35 dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes dans une semaine consacrée à l'Allemagne au XXe siècle. Et aujourd'hui, nous parlons de la société civile en RDA. Jeanne Guéroux, après cette archive donc, de 5 colonnes à la une de 1961. Oui, jusqu'en août 61, la population est-allemande et notamment berlinoise pouvait circuler sans problème de l'Est à l'Ouest. Emmanuel Droit, vous expliquez par exemple que les jeunes de l'Est se rendaient sans problème au cinéma à Berlin-Ouest. Et soudain, le 13 août 61, tout cela est devenu impossible. Jens Reich, un des futurs fondateurs d'un mouvement citoyen en 89, le Nouveau Forum, dit pour sa part qu'à la suite de la construction du mur, il est entré dans une véritable dépression, dans un exil, une sorte d'exil intérieur. Emmanuel Droit, quel impact a eu la construction du mur sur la société civile et comment ont réagi les jeunes en particulier ? Dans une lettre du 16 septembre 61, Ulbricht écrit à Khrouchtchev, il lui relate la joie éprouvée par la population de la RDA. Or, avec votre très belle archive, on peut se rendre compte de l'impact, en fait, de la construction du mur sur une société est-allemande qui, globalement, et la jeunesse en particulier, est complètement hostile à la construction de ce mur. Alors, on le présente comme le mur de protection antifasciste. Et ce discours trouve quand même un accueil. Ah, je crois que nous avons un petit problème avec notre duplex avec Berlin. Est-ce que vous m'entendez, Emmanuel Drouin ? Moi, je vous entends très bien. Oui, allez-y, continuez. Alors. D'accord. Et donc, la construction du mur reçoit finalement un accueil en partie favorable chez certains intellectuels parce qu'ils y voient la possibilité de construire le socialisme à l'abri de ce mur. Mmh. Pour la jeunesse, et notamment la jeunesse de Berlin-Est, c'est une catastrophe parce que, outre les drames familiaux que relate votre archive, il n'y a plus cette possibilité d'accéder directement à un certain nombre de produits culturels de l'Ouest. Mais globalement, il faut essayer de se remettre dans le contexte de l'époque et les rapports locaux du SED le montrent bien. La population est paralysée par la peur d'une troisième guerre mondiale. Ah oui. Donc il y a une forme d'apathie, en fait, apathie générale, relevée par les fonctionnaires. Et il y a tout un travail dans les écoles, puisque le 13 août, les enfants sont en vacances. Et donc la rentrée de septembre arrive, 1er septembre. Et là, les enseignants ont un gros travail idéologique à faire pour convaincre les enfants et les adolescents du bien fondé de la construction du mur. Mmh. Or, c'est une société, il ne faut jamais l'oublier, qui est attachée à la paix. D'où la peur de la Troisième Guerre mondiale, une forme d'apathie, mais aussi à la réunification, parce que l'horizon d'attente des parents et des enfants encore à cette époque, c'est la réunification. Bien sûr. Donc c'est une catastrophe pour cette jeunesse. Alors, la paix, c'est un discours très important qui est tenu par le régime en place, en l'occurrence, et qui va structurer aussi la façon dont on envisage la politique, dont on envisage les relations internationales. Cette paix, c'était ainsi que le veut justement le gouvernement du SED, Chantal Metzger. Évidemment, on n'entend pas le mot paix de la même manière tout au long de ces 50 années. Et bien évidemment. Alors, effectivement, un des thèmes principaux du SED, c'est le thème de la paix. Et le SED va dans les écoles, je pense qu'Emmanuel pourrait vous en parler mieux que moi, il va dans les écoles pouvoir parler, faire insister par des lectures, par des manifestations sur le thème de la paix. Les jeunes pionniers, les jeunes de la FDJ vont participer à des grandes campagnes, par exemple pour la police de Stockholm en 1950, pour le plan Rapaki de dénucléarisation de l'Europe centrale dans les années 50, à la mi-50, 1957 pour être précis. Et donc, il va insister là-dessus. Et il est suivi en cela par les églises, bien évidemment, oui, qui sont pacifistes avant tout. Mais ça va se retourner vite, contre lui, d'une certaine oui, façon, très contre vite, ce régime. En effet, dès 1962, il y a un changement. Il y a en 1962 introduction du service militaire obligatoire. Eh oui. C'est une première controverse. Alors quand on se veut un pays pacifiste, la paix, ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. L'État qui prenait la paix se militarise. Et sous l'impulsion d'un professeur de théologie qui s'appelle Émile Fuchs, l'Église évangélique engage alors une vaste réflexion sur la question du service militaire. Mmh. Et elle veut qu'on puisse refuser de faire son service militaire pour des motifs éthiques. Mmh. C'est ainsi que va être créée en RDA, et c'est assez intéressant de le savoir, une unité de génie qu'on appelle les Bausoldaten, des soldats qui construisent en fait, au sein de la Nationale Volksarmee, c'est-à-dire l'armée populaire est-allemande. Alors ceux qui refusent de participer donc au service militaire peuvent éventuellement le faire au sein de cette unité. Mais ça représente entre 0,4 et 1,4% mmh. des soldats. Si on refuse de faire carrément son service militaire, on risque gros, on risque d'être arrêté, mmh. on risque la prison, 26 mois de prison, et on risque également d'être envoyé dans un hôpital psychiatrique. Oui, c'est encore mieux. En parallèle, il faut quand même rappeler que l'objection de conscience a beaucoup de mal à s'imposer dans la France de la même époque et que ces questions effectivement de pacifisme dans les sociétés européennes des années 60 n'est pas une question simple à régler. Alors vous expliquez dans un de vos livres sur la République démocratique allemande, l'histoire d'un État rayé de la carte du monde, Chantal Metzger, que évidemment après ce mur de Berlin, on va essayer d'empêcher les gens de regarder la télévision ouest-allemande, monde. On va essayer de réorienter les antennes de télévision pour qu'ils puissent regarder la télévision est-allemande. Ça ne va pas très bien marcher parce que les gens vont réagir. Qu'on va continuer à vouloir un peu harceler l'Église qui, rappelons-le, on ne l'a pas encore dit, est une Église qui est unifiée. C'est-à-dire, théoriquement, les Églises protestantes sont de part et d'autre du mur et de part et d'autre de la séparation entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est sont réunies dans une sorte de fédération des Églises protestantes. On va donc un peu imposer cela. On va déplacer aussi 50 000 personnes, dites-vous, qui vivaient à la frontière donc avec l'Allemagne de l'Ouest. C'est une opération qui s'appelle Kornblum, je crois. Enfin, il y a vraiment une peur aussi de ce régime est-allemand, une fois la question du mur installée, de voir les gens partir. Et effectivement, ils vont, vous le rappelez dans vos livres, les uns ou les autres, ils vont partir en masse, puisque je crois qu'il y a 229 000 personnes qui vont quitter jusqu'à la fin des années 70 l'Allemagne de l'Est, tandis que 50 000 ou presque vont arriver en Allemagne de l'Est en venant de l'Ouest. Donc, un profond chamboulement. Qu'est-ce que ça dit de la société est-allemande, de sa capacité à résister aux consignes, en particulier ce sur quoi vous avez travaillé, Manuel Droit ? À partir de la construction du mur, qu'on peut considérer comme une seconde naissance de la RDA, parce qu'il faut pas l'oublier, ce mur, c'est Ulbricht qui l'a voulu et qui a fait pression sur Khrouchtchev, hein, depuis le milieu des années 50. Il voulait fermer cette porte vers l'ouest. À partir du moment où la RDA se referme sur elle-même, alors elle va s'ouvrir progressivement vers les autres pays du bloc de l'Est à partir du début des années 70, ce qui va permettre quand même aux Allemands de l'Est de voyager en Hongrie, en Pologne ou en Tchécoslovaquie de façon plus facile. Maintenant, il faut trouver un arrangement avec cette dictature. Et donc, ça passe par des compromis, et le régime le sait bien, ça passe par des arrangements dans les entreprises, dans les écoles, sur les différents lieux de travail, et ça passe aussi par, là pour le coup, on peut parler d'extension croissante ou exponentielle de la police politique, la Stasi, qui voit ses effectifs, son budget décoller à partir du début des années 60, parce qu'une fois que le mur est construit, que la RDA est fermée, on surveille la population et on la fait surveiller par les individus eux-mêmes. C'est-à-dire que la Stasi a beaucoup de fonctionnaires, jusqu'à 90 000 à la fin des années 80, mais là aussi, elle commence à recruter beaucoup d'informateurs, ces fameux IM, ces collaborateurs inofficieux, qui sont chargés de surveiller la société et de faire remonter les informations auprès de la direction de la police politique. Est-ce qu'on voit des petits gestes, entre guillemets, de tout cela, de résistance aux consignes venant d'en haut, de la part de la société d'en bas ? Il y a des formes de contournement ou de réappropriation. Je ne parlerai pas de résistance parce que pour le coup, l'opposition politique est complètement atomisée. Mais il y a des formes de contournement ou d'arrangement. Un exemple bien étudié par une ethnologue française, Marina Choliak, c'est l'exemple de la Jugendweihe. C'est l'équivalent de la confirmation. À 14 ans, le SCD voulait que les adolescents fassent une sorte de confirmation socialiste. Une communion d'État, quoi. Oui, une communion d'État, et ça passait par une grande cérémonie officielle dans un théâtre avec le fonctionnaire local qui faisait un discours. Il y avait tout un discours aussi scientifique sur le fait que le socialisme allait apporter le progrès et qu'il fallait ensemble construire cet avenir glorieux. Et en fait, ce qui intéressait évidemment plus les adolescents et les familles, c'est le repas et l'occasion de se rassembler en famille. Il y a une forme de réappropriation familiale de cette communion d'État ce qui explique d'ailleurs la défense postérieure du Palais de la République, qui était un des lieux de ces agapes justement socialistes. Exactement, parce que c'est un lieu qui rappelle beaucoup de souvenirs positifs, mais des souvenirs privés, des souvenirs familiaux à toute une série de citoyens est-allemands. Et puis dans le cas de cette Jugendweihe, l'Église a fait des compromis. On le voit très bien à la base, chacun décale son calendrier et les pasteurs acceptent que les enfants fassent leur communion socialiste dans un premier temps, puis dans un second temps, leur confirmation, alors qu'au départ, dans les années 50, les fronts étaient opposés. Je crois que nous avons un petit problème de liaison avec Berlin. Nous allons en profiter pour écouter un extrait de Wolf Biermann, le chanteur bien connu, qui conteste, lui, de l'intérieur, cette société est-allemande telle qu'elle est en train de se construire dans les années 70. Und als wir ans Ufer kamen, und als wir ans Ufer kamen und saßen noch lang im Kahn, da war es, dass wir den Himmel, da war es, dass wir den Himmel am schönsten im Wasser sahen. Und durch den Birnbaum flogen, und durch den Birnbaum flogen paar Fischlein, das Flugzeug schwamm quer durch den See und zerschellte, quer durch den See und zerschellte sachte am Weidenstamm, am Weidenstamm. Vous qui êtes une parfaite germanophone, Jeanne Guéroux, vous pouvez nous dire ce que dit Wolf Biermann dans cette chanson qui est ce concert de 1976 qui va mettre un peu le feu aux poudres dans ce contexte des années 70. Mais cette chanson, c'est en quelque sorte le leitmotiv de ce concert, puisque Biermann y exprime son désir de quitter la RDA, dont il déplore le régime, mais en même temps, il préfère y rester avec l'espoir de le réformer. C'est toute l'ambiguïté de ceux qui s'opposent, Chantal Metzger, à ce régime, tout en étant à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a toujours l'espoir, et jusqu'en 1989, jusque même au moment où va chuter le régime, que ce régime puisse être réformable, Chantal Metzger. Comment ça s'explique ? Effectivement, les hommes comme Biermann sont véritablement persuadés qu'on peut amender le régime, c'est-à-dire qu'on peut arriver à une véritable démocratie alliant démocratie et socialisme. Biermann lui-même est venu volontairement en RDA. Il habitait Hambourg, il s'est déplacé en RDA. Et en 1953, c'est un cas assez particulier. Dans les années 60, il avait rencontré Hans Eisler, et cet homme, qui est un grand musicien, va avoir une influence déterminante. Il a également rencontré un autre futur dissident d'importance, Robert Habmann. Il a très vite commencé par faire des pièces. Il a fondé un théâtre ouvrier étudiant à Berlin-Est. Et il y a fait une pièce sur le mur de Berlin qui a été interdite. Mmh. Et lui aussi, donc, c'est vraiment un exemple type, le cas de Wolf Biermann, qui, même une fois qu'il aura quitté, qu'il aura été expulsé en 1976 de la RDA, qu'il sera, on lui aura ôté sa nationalité est-allemande, eh bien, il se sentira toujours est-allemand et voudra toujours que en 89, il espère encore que l'on peut réformer le régime, maintenir, réformer son pays. Jeanne Guéroux. Oui, Emmanuel Roy, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'il se passe alors en RDA, enfin en réaction à cette affaire Biermann, et peut-on dire que justement cette affaire a marqué. Il faut rappeler qu'il a été expulsé justement oui, de RDA. Oui, absolument. Trois jours plus tard, il reçoit une dépêche de RDA lui disant qu'il est déchu de sa nationalité est-allemande pour avoir grossièrement violé ses devoirs de citoyen. Oui, et nous rappeler Emmanuel Roy, donc si cette affaire a marqué un tournant au sein de la mobilisation de la société civile. Elle a beaucoup choqué cette seconde génération d'intellectuels autour de, Chantal Metzger l'a rappelé, Robert Havemann, Stefan Heim, Christa Wolf. Ces intellectuels ont essayé de plaider la cause de Biermann. En tout cas, ils ont critiqué la décision du régime d'Honecker, puisqu'on est passé maintenant de Walter Ulbricht à Erich Honecker à la tête de la RDA. Et Honecker voulait donner une image plus moderne de la RDA, aussi plus tolérante. Et 1976 marque une sorte de coup d'arrêt à cette relative tolérance qui s'était illustrée notamment par une immense manifestation à caractère international en 1973, le Festival mondial de la jeunesse, qui avait donné une image très positive de la RDA. Il faut rappeler qu'on est en pleine politique de la hausse politique de Willy Brandt et de rapprochement entre les deux Allemagnes. Oui, on est à la fois dans le cadre d'une politique de rapprochement, et puis la RDA cherche toujours à se démarquer de la RFA. Elle a obtenu la reconnaissance internationale depuis 1973, mais il y a toujours cette idée chez les communistes est-allemands d'arriver à créer une véritable nation est-allemande. à l'intérieur de ces frontières. Alors, la société ne réagit pas spécifiquement à cette expulsion de Birmanes. Elle a d'autres problèmes. C'est plus la société de l'effondrement, mais c'est quand même une société de la pénurie. Le système économique est-allemand commence déjà à donner des signes de faiblesse. Et on a une jeunesse qui... s'est accommodé d'un certain nombre de contraintes, mais qui rêve de plus en plus de voyager, de liberté d'expression également. Il faut dire que parmi les prérogatives du régime, c'est cette timide ouverture dont vous parliez tout à l'heure. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des instruments de musique occidentaux, de jouer de la musique, une sorte de rock'n'roll matinée de vision socialiste qui va courir tout au long de ces années 70 en particulier. Oui, les influences culturelles occidentales sont plus ou moins tolérées tant qu'elles ne dépassent pas une certaine limite. Elles sont acceptées, la musique occidentale est en partie acceptée, le djinn occidental, alors il est soit accepté, soit copié, mais on est dans une société qui se referme de plus en plus sur elle-même, du fait de la présence toujours plus importante de la police politique. Et c'est une société dont une certaine partie va commencer à déserter les organisations officielles et va trouver dans l'Église une sorte d'espace de substitution où se développent, autour de thématiques plus ou moins nouvelles, comme l'écologie ou le pacifisme, ils vont trouver un refuge et un lieu de discussion. Alors ça, justement, vous avez travaillé sur ce sujet-là, Chantal Metzger, des manifestations anti-soviétiques en 1977, un an après que Wolf Biermann soit expulsé de RDA, c'est à Berlin-Est, un millier de jeunes, des manifestations pacifistes en 82, alors que d'autres manifestations pacifistes se tiennent évidemment en Allemagne de l'Ouest avec la querelle des missiles, la dissolution des organisations pacifistes en 1983. On voit bien qu'il y a quelque chose par ce discours de la paix qui passe et qui irrigue la société est-allemande, pas exactement dans le sens que le souhaiterait le régime. Effectivement, il y a des groupes pacifistes qui apparaissent au début des années 80. Parmi eux, deux groupes sont vraiment très importants. C'est le groupe du cercle d'Iéna, qui est dirigé par Robert Jahn, qui est lui-même arrêté en septembre 82, relâché puis expulsé avec d'autres membres de son groupe après des manifestations. Il y a eu même, à la suite de son arrestation, une chaîne humaine qui s'était formée devant les ambassades des États-Unis et de l'Union soviétique. Et elle sera dispersée par la police populaire, la Volkspolizei, en septembre 83. Autre groupe important, celui des Femmes pour la Paix, qui est lancé par Katia Havemann, la femme de Havemann, et par une peintre, Bärbel Böhle. Ces deux femmes, avec Ulrike Poppe, qui a aussi participé à la création de ce groupe de Femmes pour la Paix, sont des égéries des mouvements des droits civiques. Et donc, on voit bien, effectivement, cette société bouger très, très fortement au début des années 80. Emmanuel Droit, est-ce que vous en trouvez des témoignages, vous, dans ce que vous avez pu noter de ces rapports de la Stasi sur l'école, en particulier sur lesquels vous avez travaillé ? Je serais un peu plus nuancé, c'est-à-dire que ces mouvements existent, mais ils sont quand même relativement très minoritaires, parce que c'est quand même une société de la peur qui caractérise la RDA de cette époque. Ça bouge un petit peu, mais ça reste quand même relativement stable et sous contrôle, notamment dans le domaine de la jeunesse. Alors il y a une mesure qui a profondément irrité et soulevé l'opposition d'un certain nombre de parents d'élèves et de l'Église, c'est l'introduction d'un cours, d'un enseignement d'éducation militaire à partir de 1978 au niveau des écoles. Il y a quelques réactions, mais globalement, la contrainte est forte. Et donc, on ne peut pas... La dictature impose aussi des limites, c'est-à-dire que le régime se heurte à des limites, elle ne peut pas transformer la société comme elle le veut, mais en même temps, en retour, elle impose des limites à cette société, ce qui fait que les marges de manœuvre restent quand même relativement étroites. Et si nous arrivons donc à la veille, pourrait-on dire, des manifestations de 1989 qui vont conduire à la chute du mur de Berlin, on note en vous lisant, Chantal Metzger, une manifestation de 3000 jeunes venus écouter de l'autre côté du mur un concert de Genesis qui était à Berlin-Ouest, c'est en 87, mais aussi l'arrestation de manifestants du mouvement pacifiste de l'Église et de l'Église d'en bas. qui sont à l'avant-veille, pourrait-on dire, de la chute du mur de Berlin. On est vraiment quelques mois avant que le mur de Berlin ne tombe. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Tout d'abord, il y a un premier point qu'il faut noter, comme l'a dit mon collègue. Effectivement, les groupes dont je vous ai parlé sont relativement restreints, hein, c'est évident. Et par contre, à la fin des années 80, ça se généralise par une sorte de ras-le-bol de la population qui vit dans des conditions assez difficiles. Et qui prend au sérieux peut-être les consignes de Glasnost venant du grand frère soviétique. C'est-à-dire disant, voilà, pourquoi on ne bougerait pas nous aussi d'une certaine façon. Bien sûr, c'est évident que dans le pays désemmuré, c'est ainsi qu'il s'appelle, que s'appellent les habitants de la RDA, qu'ils s'appellent eux-mêmes, eh bien il n'y a ni Glasnost ni Perestroïka. Absolument. Ah, c'est évident et je pourrais citer... la phrase d'un théoricien à Hegel qui disait que si le voisin change sa tapisserie, nous ne sommes pas obligés de la changer nous aussi. Donc, je ne la cite pas exactement dans le texte, mais enfin, le sens était ainsi. Alors là, les habitants, effectivement, la population en a assez. Absolument. Et elle commence à bouger. Et ce sont les grandes manifestations de Dresde qui sont réprimées difficilement par la police, qui sont réprimées même sérieusement par la police. Et les manifestations de Leipzig et de Berlin, donc octobre, début novembre, qui rassemblent de plus en plus de monde. Et finalement, les autorités ne savent plus quoi faire. La Stasi n'intervient plus. Ces manifestations peuvent se dérouler, non pas dans le calme, mais quand, par exemple, à Berlin a lieu la grande manifestation, eh bien, la population les dirigeants qui essaient d'intervenir. Absolument. Voilà, on peut en savoir plus en vous lisant Chantal Metzger, La République démocratique allemande, Histoire d'un État rayé de la carte du monde, c'est chez Peter Lang, et puis également La République démocratique allemande, La vitrine du socialisme et l'envers du miroir, c'est aussi chez Peter Lang. On peut, pour votre part, vous lire également donc, et ce travail sur les Stasi que vous avez mené, Emmanuel Droit, vers un homme nouveau, c'est aux Presses universitaires de Rennes, et la Stasi à l'école, c'est chez Nouveau Monde. On peut dire que cet après-midi à Berlin, mais je pense que c'est plein, vous organisé au centre Marc Bloch à 13h30, 1989, un miracle géopolitique avec Henri de Bresson, Hubert Védrine, Lothar de Maizière, Joël Timsit et Jürgen Koka. Et vous remerciez tous les deux, ainsi que la technique à Berlin, donc à la Deutschland Radio, Sabrina Polland et Benjamin Troncin qui étaient dans les studios de Radio France à Nancy. Merci à tous donc d'avoir participé à cette émission. On se retrouve demain, Jeanne Guéroux, pour évoquer un autre moment de l'histoire allemande, c'est-à-dire la République de Weimar. Et les nouvelles lectures sur cette République de Weimar. À demain.